إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 43 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. On est arrivé au commentaire, ou au passage, plutôt le passage 161 dans le livre, où Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ce qui suit, et on est toujours dans le sujet de la divergence. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. Donc dans ce point, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam? Il dit la plupart des divergences qui ramènent à des passions entre la Ummah font partie de la première catégorie de divergences qu'on a mentionnées. De même que cela peut amener aussi à faire couler le sang et à rendre les biens licites, wa alaykum salam wa rahmatullah, et à amener de l'animosité et de la haine. Parce qu'un des deux groupes ne veut pas reconnaître ce que l'autre possède de la vérité avec eux et il ne veut pas être juste et honnête. Et ils augmentent avec ce qu'ils ont de la vérité, des ajouts de différentes choses fausses. Et l'autre groupe fait la même chose également. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça et il dit... ذكر الشيخ أن هذه الأمة سيتشبه كثير منها من بمن قبلها من الأمم في اختلاف التضاد كما أخبر به صلى الله عليه وسلم حيث قال افترقت اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة أو افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا ما تلك الفرقة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا من أنواع التشبه الذي وقع في الأمة فلو أن الأمة تمسكت بالكتاب والسنة لما حصل فيها الاختلاف لأن الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le Cheikh il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne que cette umma, c'est la umma de l'islam, va, yani, plusieurs d'entre les éléments de la umma vont essayer de ressembler à ceux qui ont précédé parmi les différentes nations dans la divergence d'opposition et de contradiction. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et il nous a informé de cela. Comme il dit dans le hadith que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette umma de l'islam va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une Et les sahaba ont demandé quelle sera cette secte qui sera sauvée au messager d'Allah. Et il a répondu et il a dit ce que moi-même je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Ce sur quoi je me tiens moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et donc, ça c'est parmi les différentes formes de ressemblance aux kuffars qui se produisent dans cette umma. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, il dit que si cette umma s'était accrochée au livre d'Allah, il n'y aurait pas eu de divergence entre eux, entre les musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 103, dans Surat Al-Imran, et accrochez-vous ou cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et donc le Cheikh il dit ensuite وَحَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ فَهُوَ يَعْصِمُ مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَكَذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فهذا دليل على أن على فهذا دليل أيضا على أن الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه يقي من الاختلاف التضاد. Donc le Cheikh il dit que le câble d'Allah dans ce verset, le verset 103 dans surat Al-Imran, donc le câble d'Allah en question c'est le Coran, c'est le Coran, et le Coran, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et le Coran nous protège de la divergence, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences, beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Il y a dans cela la preuve également que la sunna est quelque chose qui protège de la divergence. De même que la sunna des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les khulafa al-rashidin, que c'est quelque chose qui nous protège et qui nous préserve de la divergence et il dit de la divergence d'opposition et de contradiction. Il dit ensuite, وَقَوْلُهُ, donc ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, قَوْلُهُ لِأَنَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا تَعْتَرِفُ لِلْأُخْرَى بِمَا مَعَهَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَنْصِفُهَا. Ibn Taymiyyah, il a dit dans la citation précédente que parce qu'un des deux groupes ne reconnaît pas ce que l'autre possède de la vérité et ne fait pas preuve de justice ou d'honnêteté vis-à-vis de qu'est-ce que l'autre groupe possède de la vérité. Cheikh al-Fawzan, il rajoute à ce sujet-là, il dit, أي أن هذا خلق أصحاب هذا الاختلاف أنهم ينكرون الحق الذي مع الخصم تعصبا وجحودا وهذا بخلاف اختلاف التنوع فانظر مثلا اختلاف التنوع عند أهل السنة فهم يعلمون بما عندهم من المذاهب الفقهية الأربعة ولم يحصل بين أصحاب هذه المذاهب اقتتال ولم يحصل بينهم سفك دماء فإن كل صاحب مذهب يقر للآخر بما عنده من الصواب وتعذره بما وقع من الخطأ فاختلاف المذاهب السنية إنما هو اختلاف تنوع. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que regardez par exemple il dit les gens il parle ici Cheikh Al-Islam quand il dit que chacun des deux groupes ne reconnaît pas ce que l'autre possède de la vérité, il dit ça c'est les comportements des gens de cette catégorie de cette divergence là, c'est-à-dire il renie la vérité que l'opposant possède, que son opposant possède par fanatisme et parce qu'il renie, hein, il veut renier qu'est-ce que l'autre possède de la vérité. Et ça, il dit, c'est parmi les formes de divergence, de variété ou de variation. Il dit, regardez par exemple, il dit ça, c'est par opposition aux divergences de variété ou de variation. Il dit, regardez par exemple les divergences de variété ou de variation dans chez les gens de la sunna, chez les gens d'Ahl sunna, ils savent que il y a quatre madhab de fiqh. Il y a quatre madhab de fiqh. Le madhab hanafi, madhab maliki, shafi'i et hanbali. Ça, c'est les quatre grandes écoles de fiqh. Et il dit, ils savent qu'il y a ces quatre écoles, les quatre madhab. Et il dit, il n'y a pas de, yani, il n'est pas arrivé entre ces différents, les différents étudiants de ces différentes écoles, il y a pas, on n'a pas vu arriver des gens qui s'entretuent, qui se tuent les uns les autres, hein, qui se combattent les uns les autres. Parce que chaque madhab reconnaît la vérité que l'autre possède. Et chaque madhab excuse l'autre dans l'erreur qu'il a fait. Et donc, les divergences qui existent entre les différents madhab des gens de la sunna, ça fait partie des divergences de variation. Hein. Après, le cheikh, il dit, وكذلك جعل الله مصدر شيخ الإسلام ابن تيمية يلدي وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بغيا الشيخ يقول لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا غير موضع في غير موضع من القرآن يكون عبرة لهذه الأمة. Donc Ibn Taymiyyah il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait la source de la divergence la transgression. Donc la transgression c'est comme si c'était ça la source, ça la base, hein, de la divergence, la rivalité, la transgression. Il dit le verset 213 dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans ce qui signifie, et ils n'ont pas divergé au sujet de ce qui leur a été révélé, excepté ceux qui l'ont reçu une fois que la vérité leur est parvenue, les preuves claires leur sont parvenues, par rivalité et transgression entre eux. Le cheikh il dit parce que la transgression ça veut dire quoi? Le mot en arabe bari ça veut dire de dépasser la limite, de dépasser la limite, donc d'exagérer, de transgresser. Et il dit ça a été mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran pour que ce soit une leçon pour cette umma. Allah il nous montre qu'est-ce qui est arrivé dans les peuples précédents, chez les juifs, chez les chrétiens, comment ils se sont divisés et comment ils ont divergé entre eux par transgression les uns contre les autres, une fois que les preuves claires leur sont parvenues, pour que ce soit une leçon pour nous, pour dire, regardez, eux ils ont divergé, vous ne faites pas comme ça, ne devenez pas comme eux. Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit, قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فالله عز وجل أنزل الكتاب لأجل هداية الناس ولبيان الحق فيما اختلفوا فيه لأن المختلفين ليسوا كلهم مصيبين وإنما يكون المصيب بعضهم والكثير على خطأ ثم من هو الذي على الحق إنه ذاك الذي وافق الكتاب الذي أنزل الله عز وجل فإذا أردنا أن ننهي النزاعات والخصومات فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le verset 213 dans sourate Al-Baqarah, le verset dont on a lu une partie tout à l'heure, il a mentionné ce qui suit dans ce verset. C'est un verset qui parle justement de comment les peuples qui nous ont précédés ils ont divergé à propos de la vérité et à propos de ce que Allah a révélé. Non, par rapport à la transgression qu'il y a eu entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie les gens à l'origine formaient une seule communauté croyante. Ok, ils étaient une seule communauté à la base et ils étaient tous mu'minis. Puis après leur divergence, Allah leur a envoyé des prophètes comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Et il fit descendre avec ces prophètes des livres contenant la vérité pour régler leurs divergences pour régler parmi les gens leurs divergences. Donc ils étaient unis, ils étaient tous ensemble, une seule communauté. Il y a eu des divergences, Allah a fait descendre les messagers avec les livres pour régler les problèmes. Mais ceux-là même à qui il avait apporté les preuves se mirent à en disputer après que les preuves leur fut venues par esprit de transgression et de rivalité, de bari, ok? Après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité, puis Allah, par sa grâce, guida ceux qui crurent en cette vérité, ou vers cette vérité. Donc ceux parmi les deux qui sont divisés, qui ont été sincères, qui ont cru vraiment en la révélation d'Allah, Allah les a guidés à la vérité sur laquelle ils se disputaient, tandis que les autres sont restés dans l'égarement, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Donc ça c'est le verset en question. Donc il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, cheikh Al-Fawzan, il dit, Allah a fait descendre le livre pour guider les hommes et pour leur clarifier la vérité dans ce sur quoi ils ont divergé. Regardez par exemple les hommes maintenant actuellement, comment ils divergent sur toutes sortes de sujets et comment ils divergent sur toutes sortes de choses. Regardez par exemple dans les sociétés des koufars en Europe, en Amérique, partout. Beaucoup des divergences qu'ils ont à propos de certaines choses, si on appliquait juste le verdict de l'islam sur ces sujets-là, le sujet serait réglé. La divergence serait finie. Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il dit ensuite, donc Allah il a révélé les livres pour guider les hommes et pour leur clarifier la vérité dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Mais il dit, parce que les gens qui ont divergé ne sont pas tous sur la voie correcte, ou ils n'ont pas tous raison. Certains ils ont raison, d'autres ont tort. Et la plupart d'entre eux, c'est ceux qui ont tort justement. Puis, c'est qui est sur la vérité? Pour savoir qui est sur la vérité, il faut avoir une preuve. Donc, celui qui est sur la vérité, c'est celui qui est en accord avec le livre qu'Allah a révélé. Et si on veut, donc, si on veut cesser les disputes et les désaccords, il faut revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10, dans surah Shura, et si vous divergez en quoi que ce soit, ou si vous divergez à propos de quoi que ce soit, alors son jugement appartient à Allah. Ça c'est le verset 10 dans surah Shura. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et le verset 59 dans surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et si vous divergez en quoi que ce soit, en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. وقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. C'est-à-dire que ils n'ont pas divergé, ils n'avaient pas divergé, excepté après que ils l'aient reçu. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. Ceux qui ont divergé à son sujet sont uniquement ceux qui l'ont reçu une fois que les preuves claires leur sont parvenues. Hey, 213. Il dit hey, min ba'di ma qamat al hujaj alayhim, li'annahum ma taraku al haqq an khafaf al dalil, bal huwa wadih kull al wuduh. وإنما تركوه لاتباع أهوائهم ورغباتهم وترك ما هو السبب وترى ما هو السبب إنه البغي حيث بغى بعضهم على بعض والبغي هو التعدي على الآخرين ولو أنهم رجعوا إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى لما بغى بعضهم على بعض ولهذا قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالله جل وعلا وفق أهل الإيمان بأن بقوا على الكتاب فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضاد. Donc le cheikh il dit à propos de la partie du verset qu'on a lu, c'est-à-dire ceux qui ont divergé, c'est seulement ceux qui ont reçu le livre une fois que les versets clairs leur sont et leur furent parvenus. Ils disent, c'est-à-dire une fois que les preuves ont été établies contre eux, c'est là qu'ils ont divergé. Parce qu'ils ont abandonné la vérité, puisque yani, la preuve leur a échappé. Et il dit, c'est-à-dire que, ils n'ont pas, oui c'est ça, en fait il dit, ils n'ont pas abandonné la vérité parce que la vérité était subtile ou difficile à trouver ou que la preuve leur a échappé. Non, la vérité était claire. La vérité était claire et ils l'ont abandonnée volontairement parce que c'est par transgression qu'ils l'ont abandonnée. Donc ils l'ont abandonné la vérité parce qu'ils ont suivi leur passion et leur désir. Et c'est quoi la cause de ça? C'est parce qu'ils ont transgressé, à cause de la transgression et de la rivalité. Donc, certains ont voulu transgresser les uns contre les autres et ils avaient de la rivalité les uns contre les autres ou envers les autres. Et Al-Bariou, wa alaykoum salam wa rahmatullah, Al-Bariou, c'est justement d'avoir de la transgression, de transgresser, dépasser la limite par rapport aux autres. Parce qu'ils n'ont pas voulu revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ont transgressé les uns contre les autres. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset par la suite, et Allah a guidé ceux qui ont cru parmi eux, et il les a guidés vers la vérité par sa permission. Il les a guidés à la vérité de ce sur quoi ils avaient divergé, parce qu'ils ont cru. Donc, Allah a donné le succès aux gens de la foi de faire en sorte qu'ils restent sur le livre. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de divergence d'opposition entre eux, parce qu'ils sont restés sur le livre. Le Cheikh il dit, « Na'am, yahsul baynahum ikhtilaf tanawwa' wa ijtihad, wa hadha l'ikhtilaf la yufarriq. » كما هو معلوم ومشاهد فإن المسلمين ما زال الاختلاف واقع بينهم في المسائل الفقهية والاجتهادية ومع هذا لم يقع بينهم شقاق ونزاع وإنما الذي يوقع التنازع إنما هو اختلاف التضاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيث أن كل من المخالفين أو كل من المخالفين يرى الحق معه ويريد من الناس أن يوافقوه على مذهبه ويترك الكتاب والسنة ويذهب معه إلى الباطل وهذا لا شك أنه بغي وتعد بغي وتعد. Donc le cheikh il dit, oui, c'est possible qu'il y ait entre les gens de la foi des divergences, mais c'est des divergences de variation et d'ijtihad. C'est pas des divergences qui divisent et qui les sépare entre eux. Ça, c'est quelque chose de connu et quelque chose qu'on peut voir, même on est témoin de ça. Et il dit que les musulmans ont toujours eu des divergences de ce genre dans les questions de fiqh, dans les questions d'ijtihad. Et malgré tout, tu ne trouves pas entre eux, il y a des conflits, des disputes, mais tu trouves des conflits et des disputes lorsqu'il y a une divergence d'opposition et de contradiction. Parce que ça c'est basé, comme on a expliqué dans les cours précédents, c'est basé sur la passion. C'est basé sur la passion et sur l'opposition au texte. Parce que chacun des deux qui a divergé considère que c'est lui qui a la vérité et il veut que tout le monde soit d'accord avec sa position et qu'il laisse le Coran et la Sunna pour suivre sa position qui est fausse. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de la transgression et يعني du dépassement des limites. قوله وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné les exemples qu'on a à propos des divergences des peuples qui nous ont précédés, les juifs, les chrétiens et autres. Il nous a parlé de leurs divergences et pourquoi ils ont divergé, pour que ce soit une leçon pour nous, pour que nous on ne tombe pas dans la même chose. Et il dit يعني أن الله بين هذا الحق للناس وذلك بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه فالحق موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله ولو أن المختلفين رجعوا إلى الكتاب والسنة لانتهى النزاع والخلاف والخلاف أمر قد فطر الناس عليه ولهذا حتى الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف لكنهم كانوا يرجعون إلى كتاب الله فينتهي النزاع وقد اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وسرعان ما رجعوا إلى الحق وردوا الحكم إلى الله والرسول فبايعوا أبا بكر الصديق لأنه أفضلهم ولأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرضه فإن رجوعهم للكتاب والسنة حسم مادة الخلاف بينهم. Donc le Cheikh il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la vérité pour les hommes. Cela par le fait qu'il a envoyé les messagers et qu'il a fait descendre le livre. Et la vérité, elle est présente dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et même si les gens qui divergent revenaient au livre d'Allah et à la sunna, eh bien, leur divergence s'arrêterait. Il serait fini, la divergence serait finie entre eux. Il dit, la divergence serait finie entre eux s'ils revenaient. Parce que la divergence est une chose que Allah a créée dans la nature même de l'homme. Hein, c'est normal qu'il y ait des divergences. C'est pour ça que même les sahaba, il y a eu des divergences entre eux. Mais quand il y avait des divergences entre eux, ils ramenaient ça, ils revenaient au livre d'Allah. Et leur divergence s'arrêtait. Hein? La divergence s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'ils revenaient au livre d'Allah. Et donc, ils ont divergé, par exemple, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être le successeur? Qui va être le dirigeant? Au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé là-dessus. Mais cette divergence n'a pas duré longtemps, parce que aussitôt ils sont revenus à la vérité, ils ont ramené le verdict à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont donné l'allégeance à Abu Bakr. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils ont donné l'allégeance à Abu Bakr al-Siddiq parce que c'est le meilleur d'entre eux. Hein? Et parce que c'est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui remplaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était malade dans la dirigeance de la prière. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux sahaba, dites à Abu Bakr de diriger les gens dans la prière. Juste avant de mourir, il disait ça. Ça, c'est une grande indication pour dire aux musulmans, après ma mort, c'est lui qui va me succéder. Hein? Donc, c'était des signes clairs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur laissait. Et les sahaba, quand ils ont réfléchi sur ça, ils ont vu que c'était vrai. Yani, que c'était une preuve claire. Donc, ils ont donné tout de suite la bay'a à Abu Bakr, radiallahu anhu, parce que c'était le meilleur d'entre eux, parce qu'il était celui qui a prié, qui dirigeait les musulmans dans la prière pendant la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en ramenant la divergence au livre d'Allah et à la sunna, eh bien, la divergence entre eux s'est estompée, s'est atténuée. Il dit, « وَكَذَلِكَ يَقَعُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُخْتَلِفِ عُصُورِهِمْ فإذا رجعوا وردوا أمرهم إلى الكتاب والسنة انتهى الأمر أما من يرجعون الأمر إلى أهوائهم ورغباتهم فإنهم يضلون ضلالا بعيدا لأن الأهواء والرغبات لا تنتهي أبدا لا تنضبط بضابط وكل واحد له رغبة تخالف رغبة الآخر وكل له هوى يخالف هوى الآخر ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc le cheikh il dit, de même que la divergence peut se produire entre les musulmans à différentes époques. Et lorsqu'ils ramènent leur divergence au livre d'Allah et à la sunna, cette divergence, elle cesse, hein, elle s'arrête, il n'y a plus de divergence. Mais celui qui veut ramener les divergences à sa passion et à ses désirs, alors ceux-là ils vont s'égarer d'un égarement lointain. Parce que les passions et les désirs ne terminent jamais, ne finissent pas. Elles ne sont pas limitées par une règle ou un principe clair. Et donc chacun, il a son désir qui contredit le désir de l'autre. Et chacun, il a sa passion qui contredit la passion de l'autre. Et c'est pour ça que il est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit que nul d'entre vous n'est croyant, ne sera croyant jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce que j'ai amené. Et ça c'est confirmé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 50 dans sourate Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que ou qu'ils ne suivent que leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah? Et Allah, certes, ne guide pas les peuples injustes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, من قريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها. Donc, le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il dit que qu'est-ce qui est proche de ce chapitre aussi, c'est ce qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Zunad, selon Al-Araj et selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-moi tant que je vous laisse, hein, tant que je vous laisse, que je ne vous mentionne pas des détails, laissez-moi, posez-moi pas plus de questions, parce que ceux qui ont péri avant vous, c'était uniquement à cause des nombreuses questions qu'ils posaient. Ils posaient trop de questions, et à cause de leur divergence avec leur prophète. Et si je vous interdis de faire quelque chose, écartez-vous-en. Et si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Et il a dit donc, il leur a ordonné de se retenir, de questionner au sujet de qu'est-ce qu'il n'aura pas été ordonné de faire. Et l'exemple ou la raison pour laquelle il leur a dit ça, c'est parce que ça a été la cause de la perdition des peuples qui ont précédé parmi les premiers peuples, et à cause de leurs nombreuses questions, et aussi à cause de leur divergence avec leur prophète en faisant des désobéissances à leur prophète. Donc comme Allah nous a informé au sujet de Bani Israël, comment ils ont divergé des ordres de leur prophète, comme l'ordre de Moussa alayhi salam dans le djihad. Donc vous avez tous sûrement lu les versets à ce sujet-là, les versets qui parlent de Moussa par exemple dans le djihad, comment ils ont contredit. Moussa leur a dit: entrez dans la terre sainte que Allah vous a préparée. Et eux, ils ont dit, non, on a peur, parce qu'il y a des hommes qui sont grands, forts et tout, et si on rentre, ils vont nous massacrer, donc on a peur, donc nous, on reste ici. Toi et ton Dieu, allez vous battre. Nous, on s'assoit là, on reste, on bouge pas. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, Allah Musta'an. Et aussi, toutes les questions qu'ils ont posées à propos de, par exemple, la vache. Quand Moussa leur a dit, allez égorger la vache, telle vache, n'importe quelle vache. Eux, ils ont commencé à poser plein de questions, oui, c'est ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, وَهَذَا الْحَدِيثِ قَالَهُ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وذلك أنه خطب الناس وقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Donc il dit que la base de ce hadith là c'était dans le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux gens, il a fait un discours, il leur a dit, oh vous les hommes, oh vous les gens, Allah vous a ordonné de faire le hajj, alors faites le hajj. Hein? Et un homme a dit, est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Il a répété ça, et il a dit ça, puis le prophète s'est tu, il l'a répété trois fois. Est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Le prophète s'est il n'a pas répondu. Puis après il a dit, si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire. Et vous n'auriez pas été capable de le faire. Donc, pourquoi tu poses trop de questions? Hein? Si on ne vous a pas dit, pourquoi vous posez des questions pour que ça devienne plus compliqué la religion? Hein? C'est pas bon. Donc il leur a dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Parce que ceux qui ont péri avant vous, c'est uniquement à cause de leurs nombreuses questions et des divergences qu'ils ont eues avec leurs prophètes. Alors si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous êtes capable. Et si je vous interdis, alors dans ce cas-là, laissez ce que je vous ai interdit. الشيخ الزي فالواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نسأل عن مسائل سكت الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فالواجب على المسلم أن يأخذ الحلال البين وأن يترك الحرام البين وأن يتوقف عن المتشبه فيه حتى يعني المتشبه فيه حتى يتبين له أمره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذا أشكل عليك أمر فخذ الشيء الواضح واترك الشيء المشتبه به حتى يتبين لك أمره ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقحم نفسه في الأمور المتشابهة. Il dit le cheikh que l'obligation pour nous c'est de suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas poser des questions sur des choses au sujet desquelles Allah s'est tu. C'est-à-dire Allah il n'a pas mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est halal c'est clair et ce qui est haram c'est clair. Et entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses ou pas claires, pas détaillées, que peu de gens connaissent. C'est-à-dire, c'est le ulama qui savent les détails dans ces questions-là, les gens du commun ne connaissent pas. Alors, celui qui craint les shubuhat, c'est-à-dire qui s'écarte des choses douteuses ou qui ne sont pas claires et explicites, il s'est préservé sa religion et son honneur. Mais celui qui rentre dans les choses qui sont douteuses ou qui ne sont pas claires, il tombe dans le haram. Comme le berger qui amène son troupeau pour faire manger son troupeau à côté de la clôture. S'il amène son troupeau à côté de la clôture, c'est sûr qu'ils vont manger dans le terrain où ils ne sont pas supposés de manger. Mais s'il les amène loin de la clôture, il ne va pas tomber dans le terrain qui est entouré d'une clôture où c'est son troupeau n'est pas supposé de manger. Donc c'est comme l'exemple de dire, si tu as peur de tomber dans le haram, reste pas aux côtés de la barrière ou aux côtés de la limite de qu'est-ce qui est haram. Écarte-toi des choses douteuses, comme ça tu vas être préservé dans ta religion. C'est ça qui est expliqué. Donc le cheikh, il dit, le musulman, il doit prendre ce qui est halal et clair, et il doit laisser ce qui est haram, il doit faire ce qui est halal et clair, il le prend. Ce qui est haram est clairement haram, il s'en écarte. S'il y a des choses qui sont douteuses, il les laisse jusqu'à ce que ça devienne clair pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Donc si tu es dans le doute à propos de quelque chose, laisse-la. Puis fais qu'est-ce que tu es certain. Hein? Il dit donc, s'il y a quelque chose que tu trouves que c'est compliqué ou difficile, alors prends la chose qui est claire et laisse tomber la chose qui est compliquée ou qui n'est pas claire pour toi jusqu'à ce que l'affaire se clarifie. Et c'est pour ça que le musulman, il ne doit pas rentrer dans les choses douteuses ou des choses confuses. Il dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh, wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum. يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي. في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، أما في النهي قال فاجتنبوه، لأن ترك الشيء سهل بخلاف امتثال الأمر كله، يعني فقد يكون فيه صعوبة وقد يمرض قد يسافر فلا يستطيع القيام بكل الأوامر، فحينئذ يأتي منها ما يستطيع. أما النهي فإنه يتركه بالكلية لسهولة تركه ولأنه لا ينهى المسلم إلا عما فيه مضرة خالصة أو راجحة أو مضرة مساوية فما كان ضرره مساويا أو أكثر فإنه يجتنب وما كان نفعه راجحا فإنه يفعل. شيخ الدي aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, ce que je vous ai interdit, si je vous interdis d'une chose, écartez-vous-en complètement. Et si je vous ordonne de faire, faites-en ce que vous êtes capable. Donc on voit qu'il a fait une distinction entre l'ordre et l'interdiction. Dans l'ordre, il a dit faites ce que vous pouvez. Et dans l'interdiction, il a dit écartez-vous-en complètement. Parce que l'abandon de quelque chose, c'est facile. Contrairement à l'application d'un ordre. Parce que de faire tout ce qui est ordonné, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui peut faire tout ce qui est ordonné. Hein? Parce que peut-être tu vas être malade, peut-être tu vas voyager, ou bien des choses comme ça. Donc tu pourras pas faire tout ce qui t'est ordonné de faire. Alors à ce moment-là, tu fais ce que tu peux. En ce qui concerne l'interdiction, eh ben, tu peux tout laisser parce que abandonner quelque chose, c'est pas une action que tu dois faire, c'est quelque chose qui est le contraire de l'action, c'est-à-dire l'absence d'action. Et l'absence d'action, c'est ça qui est plus facile. Si je te dis, par exemple, si je te dis, lève-toi puis passe la balayeuse partout dans la mosquée ou l'aspirateur, hein, ça c'est un travail, c'est une action, c'est difficile. Mais si je te dis, reste assis et repose-toi, est-ce que ça c'est difficile? Non. Si je te dis par exemple, laisse pousser ta barbe, ça c'est facile. Mais si je te dis, rase-toi, là tu dois aller acheter un rasoir, tu dois aller acheter la crème, tu dois commencer à enlever ça. Ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse ta barbe. Donc tu la laisses. Ça c'est l'absence d'action, c'est-à-dire c'est plus facile, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Donc, le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit quelque chose aux musulmans, excepté qu'il y a un mal certain dedans, pur, c'est un pur mal. Ou bien, il y a un bien, mais le mal dedans est plus grand que le bien. Ou bien, que le bien et le mal qui est dedans, c'est équivalent. Donc, c'est les trois cas dans lesquels Allah nous interdit de faire quelque chose. Soit que dedans, le mal, il est total. Ou que le mal, il n'est pas total. Il y a du bien dedans, mais le mal est plus grand que le bien. Ou bien que les deux sont équivalents. Le bien et le mal sont équivalents. Dans ce cas-là, on le laisse. Mais si son mal est plus grand, ou égal, on s'en écarte. Il dit, « فَمَا كَانَ ضَرَرُ مُزَوِيَنَا وَأَكْثَرْ فَإِنَّهُ يُجْتَنَبُ » Donc c'est ça. Si son mal est plus équivalent, on s'en écarte. Et si son bien est plus grand, alors on le fait. والمقصود الالتزام بالأوامر دون كثير سؤال دون كثير سؤال فإنما يكون السؤال على قدر الحاجة فإنما كان هلاك الأقوام السابقة بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فهم سألوا ولما أجيبوا لم يفعلوا ما أمروا به فدل على أن الإنسان لا يتكلف في السؤال بل يسأل عن على قدر حاجته ولا يعني يفرع الأسئلة ولا يفترض الافتراضات إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن كثير وسكت عن كثير عن غير نسيان فلا تكلفوها سبحان الله تدي حديثنا الكرام حديث النووي C'est des bases, ces hadiths-là. Hein, si vous avez mémorisé les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, vous les reconnaissez tout de suite. C'est des principes de base dans ces hadiths-là, très importants dans la religion. Et il dit donc ensuite que, qu'est-ce qu'on veut dire ici par rapport à ce hadith? C'est de, justement, yani, pas trop poser de questions sur la religion. Parce que, tu dois poser des questions seulement selon qu'est-ce que tu as besoin dans ta religion. Trop poser de questions, c'est pas quelque chose de bon. Il dit que ceux qui ont péri parmi les peuples qui nous ont précédés, ils ont péri parce qu'ils ont posé trop de questions à leurs prophètes et ils ont désobéi leurs prophètes par la suite. Regardez par exemple, le cheikh dit, regardez, ils ont posé des questions et lorsqu'ils ont été répondus, à leurs questions dans la religion, ils n'ont pas mis en application ce qu'on leur a répondu, hein, et ce qu'on leur a ordonné de faire. Et donc ça, c'est la preuve que quelqu'un ne doit pas se forcer à commencer à poser trop de questions, exagérer dans les questions. Il demande uniquement des questions selon son besoin, selon la nécessité, selon son besoin. Et il commence pas non plus à faire plein d'embranchements dans ses différentes questions, ou commencer à faire toutes sortes de suppositions. Bon, mais supposons qu'il arrive telle chose. Hein? Oh, cher, je vous pose une question. Supposons que je m'en vais à telle place, puis que je fais telle affaire, puis qu'il arrive telle chose, puis que je fais ça. Là. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, supposons que telle chose arrive. Je vais faire quoi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis ça finit plus, les questions comme ça. Donc, le cheikh, il mentionne les hadiths à ce sujet, que Allah, il a ordonné des choses. Alors, il ne faut pas les négliger. Les choses obligatoires, il ne faut pas les négliger. Et il a établi des limites. Alors, il ne faut pas les dépasser. Et il s'est tu à propos de beaucoup de choses, non pas par oubli, hein, mais par miséricorde pour vous. Alors, ne cherchez pas à les connaître pour vous rendre la religion trop difficile et trop compliquée. Et il dit... Ensuite, وقوله كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل في مخالفتهم أمر موسى أي ما بينه لنا عن معاناة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وكثرة أسئلتهم ونكولهم بعد البيان عن أوامر الله ومن ذلك ما قصه الله في القرآن علينا في شأن البقرة التي أمروا بذبحها ولما قتل قتيل فجهل قاتله فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة ثم يضرب القتيل بجزء منها وحينها سينتقه الله ويتبين من هو الذي قتله فلو أنهم بادروا بذبح بقرة أي بقرة لحصل المقصود وانتهى الأمر ولكنهم تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدد الله عليهم حتى صعب عليهم أن يجدوا تلك البقرة بالأوصاف التي ذكرها الله في كتابه Donc le cheikh il dit comme Allah il a dit à propos de Bani Israël quand ils ont contredit l'ordre de Moussa. Il dit c'est comme l'exemple comment les juifs de Bani Israël comment ils ont donné des problèmes à Moussa alayhi salam. comment ils ont posé beaucoup de questions. Et ensuite, ils ont refusé d'obéir aux ordres d'Allah. Et Allah, il nous raconte l'histoire dans le Coran à ce sujet-là, à propos de la vache qu'ils ont été ordonnés de sacrifier, de dégorger. Parce que quelqu'un avait été tué parmi les fils d'Israël et yani, ils ne savaient pas qui l'avait tué. Alors, ils sont allés disputer auprès de Moussa. Les fils d'Israël sont allés disputer auprès de Moussa alayhi salam pour savoir qui avait été responsable de ce meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam de leur ordonner d'égorger une vache, puis de frapper la victime avec un morceau de la vache. Puis à ce moment-là, Allah allait faire parler le mort pour qu'il révèle le nom de son assassin. Mais yani, au moment où Moussa leur a dit d'égorger la vache, au lieu de se précipiter pour tuer n'importe quelle vache, ils ont commencé à... Yani, s'ils avaient juste tué n'importe quelle vache, ça aurait été correct. Allah subhanahu wa ta'ala aurait réglé leur problème et tout aurait été terminé. Mais au lieu de ça, ils ont commencé à s'obstiner, à poser des questions et à rendre l'affaire de plus en plus difficile. Alors pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala a endurci la question et leur a rendu plus difficile encore d'égorger la vache parce qu'il leur a donné des descriptions d'une vache qu'ils ne voulaient pas égorger. Hein? Donc c'est devenu dur pour eux à la fin. Hein? Et tout ça c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah. Cheikh il dit ensuite: ثم قال سبحانه فذبحوها وما كادوا يفعلون فلو أنهم بادروا من أول الأمر وأخذوا بأي بقرة لأجزأهم ذلك لأنه قال سبحانه أن تذبحوا بقرة ولم يحدد سنا ولا لونا ولا صفة لكنهم شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون فقلنا اضربوه ببعضها أي لما قال الله لهم اضربوا الميت بجزء منها فضربوه فأحياه الله ليبين لهم من قتله وهذا من معجزات موسى عليه السلام. Donc le cheikh il dit c'est ça, ils l'ont égorgé mais ils voulaient presque pas le faire parce que au début ils pouvaient prendre n'importe quelle vache, ça aurait été acceptable, mais yani, ils ont pas voulu. Donc, il avait dit juste d'égorger une vache. Il n'avait pas mentionné quel âge, quelle couleur, quelle description, rien de ça. Juste de le faire, et il l'aurait fait, c'était correct. Mais ils ont été durs dans les questions. Allah a été dur envers eux. Et ils l'ont fait, mais ils ne voulaient presque pas le faire. Et Allah a dit ensuite, et frappez-la avec un morceau de la vache. Puis, lorsqu'ils l'ont fait, Allah a fait revivre le mort pour qu'il dévoile le nom de son assassin. Et ça fait partie des miracles de Moussa alayhi salam. Cheikh il dit ensuite, ولكن الاختلاف, ولكن هذا الاختلاف, c'est Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, ولكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة للأنبياء كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. Donc le cheikh explique que yani, les divergences avec le prophète, wallahu a'lam, ça veut dire de contredire les prophètes. C'est-à-dire que lorsque les gens ont dit, par exemple, les gens ont divergé de leurs dirigeants, c'est-à-dire ils ont contredit l'ordre de leurs dirigeants. Et donc ici, la première divergence, c'est lorsque quelqu'un diverge avec on diverge les uns les autres, on est en divergence ou en conflit les uns les autres. Et dans l'autre sens, c'est diverger dans le sens de désobéir ou de contredire l'ordre. Donc les deux sens sont sous-entendus dans ce hadith-là. Et il dit, al-Muslim, Cheikh al-Fawzan, il explique, il dit, al-Muslim fi sa'atin min amrih, فيعمل بما أمر به ويترك ما نهي عنه ولا يسأل عما لم يرد فيه أمر ولا نهي فإن السؤال عما لم يرد فيه شيء من الكتاب والسنة يوقع المسلم في الحرج ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وسكت عن أشياء من غير نسيان تبحث فلا تبحث عنها وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين والخلاصة ذم كثرة السؤال لأنهم إذا سألوا ثم بين لهم قد لا يمتثلون ويتثاقلون عنه فيهلكون بسبب مخالفتهم وكانوا في عافية من هذا. Donc le cheikh il explique, il dit le musulman quand l'affaire est disons comme on a expliqué يعني هو في ساعة من أمره, c'est-à-dire il est laissé à son aise, dans le sens qu'il est, il est lost, la question est vaste, c'est pas vaste, mais donc comme on dit ici au Québec, l'affaire c'est lost, t'as de l'espace, t'as du jeu pour agir, c'est pas quelque chose qui est vraiment contraignant, c'est quelque chose de facile, ouais c'est ça. C'est ça, c'est flexible. Tu vois? Donc, quand le musulman, il est dans une question, il y a beaucoup de flexible, il y a beaucoup d'espace. Donc, il fait ce qui lui a été ordonné, et il laisse de côté ce qui lui a été interdit, et il ne demande pas au sujet des choses au sujet desquelles il n'y a pas un ordre ou une interdiction. Parce que la question, à propos de ces choses-là qui ne sont pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna, ça fait en sorte que le musulman devient commence à être à l'étroit. Ça devient difficile pour lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah s'est tu à propos de certaines choses, non pas par oubli. Rahmatan, dans une autre narration, ça dit Rahmatan bikum ghayr nisyanin. Et dans cette narration ici, c'est non pas par oubli, alors ne cherchez pas à leur sujet. Et il mentionne le verset 101 et 102 dans Surat Al-Ma'ida. Et dans ce verset-là, c'est clair, yani. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement de ne pas poser trop de questions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie oh, les croyants. Ne posez pas des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits mécréants. C'est-à-dire, ils deviennent, à cause de ça, ils sont devenus mécréants. Parce qu'ils ont posé trop de questions. Donc, le cheikh il dit en résumé le fait de poser trop de questions dans la religion c'est quelque chose qui est blâmable parce que ils ont posé des questions puis on leur a expliqué par la suite mais ils n'ont pas mis le verdict qu'on leur a donné en application et ils ont trouvé l'affaire trop lourde, trop difficile pour eux et à cause de ça ils ont contredit l'ordre et auparavant avant de poser la question ils étaient en paix, ils étaient corrects avant, mais il a fallu qu'ils rentrent là-dedans et qu'ils posent des questions sur ce sujet-là, puis ils se sont rendus les affaires très très compliquées par la suite, ils n'étaient plus capables de gérer la situation. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite de des explications au prochain cours à ce sujet inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Wassalam.